nous nous précipitâmes dans la cour. Saint-Jory se trouve au fond d'un petit terrain, en contrebas de la Garonne, à 500 mètres environ. Des rideaux de hauts peupliers, qui coupent les prairies, cachent la rivière complètement. Nous n'apercevions rien. Et toujours, le cri retentissait. « La Garonne ! La Garonne !» Brusquement, du large chemin devant nous, débouchèrent deux hommes et trois femmes. Une d'elles tenait un enfant entre les bras. C'était eux qui criaient, affolés, galopant à toutes jambes sur la terre dure. Ils se tournaient parfois, ils regardaient derrière eux, le visage terrifié, comme si une bande de loups les eût poursuivis. « Eh bien, qu'ont-ils donc ?» demanda Cyprien. « Est-ce que vous distinguez quelque chose, grand-père ?»« Non, non, dis-je, les feuillages ne bougent même pas. » En effet, la ligne basse de l'horizon, paisible, dormait. Mais, je parlais encore, le son d'exclamation nous échappa. Derrière les fuyards, entre les troncs des peupliers, au milieu des grandes touffes d'herbe, nous venions de voir apparaître comme une meute de bêtes grises, tachées de jaune qui se ruaient. De toutes parts, elles pointaient à la fois, des vagues, poussant des vagues, une débandade de masses d'eau, moutonnant sans fin, secouant des baves blanches, ébranlant le sol du galop sourd de leur foule. À notre tour, nous jetâmes le cri désespéré. « La Garonne ! La Garonne !» Sur le chemin, les deux hommes et les trois femmes couraient toujours. Ils entendaient le terrible galop gagner le leur. Maintenant, les vagues arrivaient en une seule ligne, roulantes, s'écroulantes avec le tonnerre d'un bataillon qui charge. Sous leur premier choc, elles avaient cassé trois peupliers dont les hauts feuillages s'abattirent et disparurent. Une cabane de planches fut engloutie. Un mur creva. Des charrettes dételées s'en allèrent, pareil à des brins de paille. Mais les eaux semblaient surtout poursuivre les fuyards. Au coude de la route, très en pente à cet endroit, elles tombèrent brusquement en une nappe immense et leur coupèrent leur retraite. Ils couraient encore cependant, éclaboussant la mare à grandes enjambées, ne criant plus, fous de terreur. Les eaux les prenaient aux genoux. Une vague énorme se jeta sur la femme qui portait l'enfant. Tout s'engouffra. « Vite, vite !» criai-je. « Il faut rentrer !» La maison est solide, nous ne craignons rien !»